Maintenant, dans la deuxième partie, on parle des erreurs de la sympathie. On a vu évidemment que le caractère, disons, très émotionnel de la sympathie impose aux gens une condition presque de lien humain là, qui force une expérience. La question qui me vient, c'est dans quelle mesure, quand on est sympathique, ni plus ni moins à l'égrégore que peut manifester une personne, dans quelle mesure un individu peut se vivre la fameuse crise de l'esprit, là, le conflit d'esprit dont vous parliez, et aller chercher dans ce conflit-là, dans cette crise-là, le moyen de briser l'espèce de jeu d'attachement ou le jeu de lien qui s'est installé par le fait de la sympathie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment bénéficier de la crise d'esprit, là, du conflit d'esprit qui s'est... Quand on parle de la crise d'esprit qui vient après l'expérience de la sympathie avec l'homme, on parle d'un tournant dans notre vie. Tu peux pas vivre une sympathie avec l'homme qui t'amène un jour possiblement à la crise de l'esprit et continuer dans la même relation. Mm-hmm. Autrement dit, on pourrait même aller jusqu'à dire que dans la mesure où les hommes vivent ensemble une sympathie, ils vivent un karma. Mm-hmm. Ils sont obligés de vivre un certain karma, une certaine programmation. Et lorsque ils vivent la crise de l'esprit, ils s'enlignent sur eux-mêmes. Mm-hmm. Puis à partir du moment où l'homme s'enligne sur lui-même, il perd la notion de l'importance de l'autre. OK. Parce que quand on est... Faut considérer l'homme sur la terre comme un être qui est techniquement associatif. OK. On est associatif à plusieurs niveaux, effectivement, puis c'est ça qui crée l'architecture de nos sociétés, qui crée aussi toutes les valeurs sociales qui cimentent nos relations humaines, etc. Mais à partir du moment où on passe de la sympathie ou de l'inconscience sympathique à la conscience de l'esprit, donc à la crise ou à la crise de l'esprit, à la reconnaissance de ton identité, à ce moment-là, la sympathie n'a plus de pouvoir sur soi. Et quand elle n'a plus de pouvoir sur soi, l'homme devient, l'homme devient asocial. Pas antisocial, mais il devient asocial. Puis pas asocial dans le sens que il n'aime plus les hommes ou qu'il n'a plus besoin des hommes, mais asocial dans le sens que psychiquement, il n'est plus déterminé par l'humanité dans sa conscience. Donc, à partir du moment où tu n'es plus déterminé par l'humanité dans ta conscience, tu es techniquement asocial, dans le sens que psychiquement, tu as suffisamment individualisé ta conscience pour ne plus être ce que j'appellerais, d'une façon humoristique, carrièrement humain. Tu fais plus de la vie humaine une carrière. Mm-hmm. Parce qu'on fait de notre vie humaine une carrière. On fait de notre vie humaine une carrière au niveau du travail, au niveau de nos amours, au niveau de nos relations. Et quand on fait de notre vie humaine une carrière, on est obligé d'assumer la responsabilité psychologique des liens qui s'entrecroisent et qui se font, qui s'effritent dans ce processus social-là, qui, dans un sens, évoque chez nous une certaine chaleur parce que ça nous sécurise, mais qui, dans un autre sens, nous enlève le plein emploi de notre esprit. À partir du moment où l'homme entre dans le plein emploi de son esprit, il entre dans la pleine fonction de son être, et à ce moment-là, il est capable de se dissoudre sympathiquement de l'humanité et regarder l'humanité comme étant un phénomène à l'extérieur de lui-même qu'il respecte complètement, mais phénomène qui est régi par des lois, par une programmation planétaire, qui doivent, avec le temps, se manifester, s'écouler, et ainsi de suite. Mais en relation desquelles loi, lui, est totalement imperméable, non impliqué, ainsi de suite. Donc, la sympathie au niveau de l'âme, pour un homme de l'évolution, c'est... Ce serait regarder du point de vue de l'humanité pensante ou de l'humanité réfléchissante, ça serait regardé comme une sorte de traîtrise. C'est comme si tu dirais l'homme conscient est traître à l'homme de l'évolution. L'homme de la sixième race sera traître à l'homme de la cinquième race à racine. Pourquoi? Parce que les paramètres psychologiques seront totalement différents. Justement parce que l'homme de la sixième race racine aura totalement fracturé le besoin dans sa conscience de s'animer au niveau d'une sympathie animiste, alors qu'il sera obligé de vivre sa réalité totalement par rapport à lui-même. Donc l'homme de l'évolution techniquement reconnaîtrait que l'homme de l'évolution, l'homme de la sixième race racine ou l'homme nouveau est traître à l'humanité. Et ça, c'est intéressant à ce point-là que je développe là, parce que je l'ai jamais regardé. Mais ça serait intéressant parce que un homme conscient, ce qui fait qu'un homme est conscient, ce qui détermine qu'un homme est conscient, ce n'est pas une philosophie. Un homme conscient n'est pas déterminé par une philosophie. C'est pas idéologique d'être conscient. C'est un état d'esprit. Et un homme qui est conscient ne peut plus vivre sa conscience par rapport à la mémoire. Et quand je dis par rapport à la mémoire, je parle de la mémoire de la race, de la mémoire de l'individu quand il est à cultiver évolutivement, par rapport à la mémoire de ses parents, par rapport à la mémoire quelconque. Il n'est pas capable. Pourquoi? Parce qu'il a substitué dans son expérience la puissante vibration de l'âme pour le rayon de son esprit. À ce moment-là, une fois que la substitution est suffisamment avancée, l'identité est intégrée, dans le sens qu'elle est, elle est suffisamment avancée pour que l'homme, pour que l'homme se reconnaisse comme étant un fait accompli. Alors que l'homme de l'évolution ne se reconnaît pas comme un fait accompli. Il se reconnaît comme un fait en voie d'évolution. OK. Un être conscient se reconnaît comme un fait accompli. Il n'y a plus rien à ajouter à lui-même. Tandis que l'homme de l'involution a quelque chose à ajouter à lui-même. Il peut avoir de l'étude, il peut avoir de l'éducation, il peut avoir de l'expérience à ajouter à lui-même. Tandis qu'un homme conscient n'a pas à ajouter à lui-même. Il n'y a pas d'éducation à ajouter à lui-même, il n'y a pas d'instruction à ajouter à lui-même, il n'y a pas d'éducation à ajouter à lui-même, il n'y a pas d'expérience à ajouter à lui-même. Il est complet. Et être complet, ça veut dire avoir sorti du giron de la mémoire de sa race. Donc, techniquement, s'être propulsé à l'extérieur de sa propre mémoire, parce que ta propre mémoire est toujours... ta mémoire personnelle est toujours en fonction de la mémoire de la race. C'est ça. Fait que... c'est intéressant. Ça veut dire, Bernard, que vous avez dit le mot traître, là, mais je ferai une variante, là, parce que les gens accordent beaucoup de valeur au concept du mot traître. Là. Si t'es pas sympathique dans le sens de l'âme, ça veut dire que tu peux pas être solidaire des comportements de l'âme. Non. Donc, un individu qui est conscient brise son, on pourrait dire, son instinct de solidarité parce que, justement... Je vais vous donner un exemple. Excusez si je vous coupe la parole, là, parce que ça me vient. Ça. Je vais vous donner un exemple pour expliquer la traîtrise. Si on prend la politique présente, la politique mondiale libérale des pays de l'Ouest, les États-Unis, l'Europe, Canada, on s'aperçoit que là, on est en train de faire venir dans nos pays toutes sortes de monde. Les gens viennent d'immigration. Les gens émigrent dans nos pays pour toutes sortes de raisons. Il y en a qui émigrent dans nos pays pour des bonnes raisons, puis il y en a qui émigrent dans nos pays pour des raisons qui ne sont pas nécessairement aussi valables. Mais à cause du libéralisme, surtout le libéralisme canadien, surtout à cause de l'image que le Canada projette dans le monde, de ce pays réellement merveilleux, institut ouvert à l'humanité, ce qui va arriver, c'est que si on ne fait pas attention au cours des générations à venir, on va poser des gestes politiques qui vont faire en sorte qu'éventuellement, on va créer des égrégores sociaux dont on ne pourra plus avec le temps se défaire. C'est ce qui se produit en Europe présentement. Le phénomène de Le Pen en France, c'est ça. Le développement de la droite en France, c'est ça. L'affaire, la même chose avec les Italiens. Il va venir un temps où les peuples, même les Américains, vivent la même chose dans le Sud. Il va venir un point dans le temps où les hommes politiques vont devoir être intelligents puis cesser de jouer de la politique. Autrement dit, cesser d'être fin pour être élu, Puis réellement appliquer des lois d'immigration qui, dans le fond d'eux-mêmes, ils reconnaissent. C'est pas des idiots, les politiciens. Seulement, ils font facilement le jeu de l'idiot parce qu'ils veulent être réélus ou ramenés au pouvoir. Et que c'est jamais facile de pour un homme en politique de prendre une décision intelligente. Parce que une décision intelligente, ça fait jamais l'affaire de la masse, la grosse masse. Donc, à ce moment-là, mais ce qui arrive, c'est que on pose des gestes politiques pendant une génération, deux générations, puis au bout de trois générations, mais là, on s'aperçoit des conséquences. Il y a des conséquences. Il y a des équilibres démographiques, ainsi de suite. Puis, on se pose la question, mais plus tard. Pourquoi est-ce qu'on a agi comme ça? Puis, il est trop tard. Au niveau individuel, c'est la même chose. Au niveau de l'individu, éventuellement, l'homme va être obligé de poser des gestes politiques, quand je dis politiques, par rapport à lui-même, en fonction de la mémoire de la race. S'il n'est pas capable de poser de gestes politiques, autrement dit, de poser des gestes intelligents qui polissent sa conscience par rapport à la conscience du monde, il va perdre éventuellement le contrôle de sa propre territorialité, qui, sur le plan psychique, veut dire son autonomie de conscience, son individualité. Son identité. Fait que c'est pas facile de poser des gestes intelligents. C'est pour ça que je dis, un homme qui pose des gestes intelligents, que ce soit sur le plan personnel ou que ce soit sur un plan social, il est toujours considéré comme un traître à une conscience de masse parce que il abolit des sentiments. Aussitôt que t'abolis des sentiments, tu deviens un traître. Les Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale, un Juif durant la Deuxième Guerre mondiale qui aurait dit, bon, ben moi, je m'en vais aux États-Unis, là, je suis pas intéressé à me faire prendre par les brown shirts en Allemagne. Il aurait été considéré par son peuple comme étant un traître. Pourquoi? Parce qu'il aurait aboli des sentiments de solidarité, d'appartenance, de solidarité, et ainsi de suite. Mais la conséquence, c'est que s'il avait fait ça, il n'aurait pas fini à Dachau, il serait à New York, probablement dans le Diamond Center aujourd'hui, tu sais. Bon. C'est la même chose pour l'homme inconscient. Puis on n'est pas entraîné philosophiquement à traiter de cette façon-là. On est entraîné à être très ferme, très dur, très martial avec la physicalité des gens, avec les sports. C'est vrai. Puis on est entraîné, on peut aller au bout. Devenir des bâtisseurs de muscles. Mais on n'est pas entraîné au niveau de l'esprit à être martial. Le plus loin qu'on va là, dans la martialité de l'esprit, c'est en science. Quand on parle de la science objective, ainsi de suite, là, ou la science rigoureuse. Mais on va pas plus loin que ça. C'est vrai. Beaucoup d'entraînement à être fort aux yeux des autres. Mais aux yeux des autres. Rien pour être fort à nos yeux. C'est exact. Ça, c'est très grave. Parce que ce que ça va faire, c'est que ça va créer une société d'infirmes. Des gens avec des gros corps, des gros bodies, des Américains. On va américaniser la planète. On va avoir des gens qui, socialement, vont réellement se vautrer dans la médiocrité. Mais on n'aura pas de gens, d'hommes, suffisamment allumés par en dedans pour se séparer de cette grosse masse-là. Fait que, et si on regarde l'évolution de ce qui se passe aujourd'hui en Europe, aux États-Unis, au Canada, au niveau de n'importe quoi, on voit que la grosse masse, la grosse inconscience, la grosse astralité gagne toujours du terrain. Tout le temps à gagner du terrain. Ouais. Aujourd'hui, on est rendu à un point où si tu cries fort, pis tu sacs, pis whatever. Si tu fais des. Il y a un thème des Américains, have an attitude. If you have an attitude, you make it. Mais si t'as pas d'attitude, t'es fait. Puis c'est très grave parce que avoir une attitude, c'est très animiste. Avoir une attitude de violence, avoir une attitude de ci, avoir une attitude de ça. Avoir une attitude, c'est très grave, puis plus ça va, là, mais plus l'homme a des attitudes, parce que d'ailleurs, la télévision nous en crée c'est des ça. Attitudes. Regardez le rap, là. T'sais, le rap, c'est plein d'attitudes. Fait que ça va très loin. Fait qu'éventuellement, probablement qu'au 21e siècle, pff, il va y avoir tellement d'attitudes dans le monde, dans différents groupes. Les islamistes vont avoir leurs attitudes, les juifs vont avoir leurs attitudes, les, probablement les Québécois par rapport aux Anglais vont avoir leurs attitudes, qu'éventuellement dans le monde au 21e siècle, on n'aurait plus de guerre comme on avait avant, mais on va avoir des conflits ethniques abominables. Mm-hmm. Puis l'homme conscient qui va vouloir s'extirper de ça, il va être obligé de le faire, il n'y aura pas le choix parce qu'il ne pourra plus respirer dans ce monde-là. Qu'est-ce que ça va être son environnement, l'homme conscient. Son environnement, ça va être d'autres hommes conscients, point final. C'est ça. Il va être capable de se couper physiquement ou se couper strictement mentalement? Psychiquement. Pas physiquement, psychiquement. Ouais. Mais le problème, ça c'est inévitable aussi, parce que l'homme, c'est long avant que l'homme en arrive à réellement équilibrer tous ses corps. Le problème, c'est que avant que l'homme conscient soit capable de réellement s'organiser, avant que les hommes conscients puissent s'organiser ensemble, travailler ensemble, faire ensemble, ainsi de suite, il va falloir que l'homme intègre son énergie. Puis est là le problème. Parce qu'il y a une chose qui se produit, puis c'est une chose qui est grave, puis un jour je vais en parler probablement, c'est qu'à partir du moment où l'homme conscient, un homme conscient pour moi c'est comme un initié. Comment dire, il apprend des choses que le reste de l'humanité apprend pas. Puis à partir du moment où un homme conscient s'initie à lui-même, s'il n'intègre pas son énergie un jour, il devient fanatique. Fait que le plus grand danger pour l'homme conscient demain, au cours des prochaines générations, ça va être la fanatisation de son être. Un jour, il va falloir que l'homme intègre son énergie. Dans un sens, revenir comme avant, mais à un niveau supérieur. Okay. Plus avancé. S'il n'intègre pas son énergie, à ce moment-là, il va fanatiser sa conscience. Il va devenir un fanatique. Même si c'est un beau fanatique, un fin fanatique, il va devenir un fanatique. Puis à ce moment-là, il ne pourra pas, à long terme, maintenir des liens ouverts avec les hommes conscients. Mm-hmm. Parce que les hommes vont être trop sensibles, trop conscients, ils vont voir le jeu. Ils vont voir l'imperfection de sa conscience. Puis éventuellement, les liens vont se briser parce que l'homme n'aura pas intégré son énergie. Et le plus grand danger des générations qui viennent, de ces êtres-là qui se conscientiseront, c'est la fanatisation de leur conscience. Ça se reconnaît à quoi, ça, Bernard, un individu qui est fanatique? Il est sympathique à une cause? Un individu qui est fanatique, là, faut, t'sais, ça va, t'sais, il y a bien des niveaux de fanatisme. Chez l'être conscient, le fanatisme, éventuellement, sera probablement dans une douce forme. Mais ça sera un fanatisme qui sera basé sur l'incapacité de l'homme de faire éclater la perception qu'il a de lui-même. Quand tu es inconscient, la perception que tu as de toi-même est très mince, est très petite. Mm-hmm. Tu es réellement un être parmi tant d'autres. Mm-hmm. Mais quand tu es conscient, tu deviens de plus en plus un être par rapport à toi. Mm-hmm. Tu t'occupes plus, tu n'es plus un être parmi tant d'autres, tu es un être par rapport à toi. Puis dans ce processus-là, on dirait qu'il se crée une convergence de forces. On dirait que l'homme conscient, là, il devient suffisamment conscient de lui-même pour commencer à pouvoir s'évaluer tout seul. Quand tu commences à pouvoir t'évaluer tout seul, là, s'il n'y a pas quelqu'un pour te mettre en check, t'es fait. La seule chose qui peut créer le fanatisme intérieur d'un homme conscient, c'est la mise en échec de ta conscience, de ta perception de toi-même par un autre. T'as besoin d'un autre. D'ailleurs, si vous regardez le phénomène du fanatisme dans le monde, à n'importe quelle échelle, d'une évolution, c'est un phénomène qui a existé et qui a eu ses apogées dans des individus comme Hitler, et ainsi de suite, là. Mais c'est un phénomène qui a eu son apogée. Pourquoi? Parce que il a jamais été mis en échec. C'est vrai. Si le fanatisme était mis en échec, à ce moment-là, il y aura une intégration d'énergie. Mais au niveau de la conscience, au niveau de l'individu, c'est très important qu'un être ait quelqu'un dans sa vie pour le mettre en échec. Vous pouvez pas devenir conscient par vous-même, tout seul, indéfiniment. Quelque part, le contact peut se faire, l'évolution, l'ouverture des centres peut se faire, mais quelque part, il va falloir que quelqu'un vous mette en échec parce que quand la conscience est trop vibrante, que vous n'êtes pas mis en échec par l'homme, à ce moment-là, les forces occultes peuvent pas s'inviter à votre intelligence. Autrement dit, ton double peut pas dire, bon, ben, écoute, Bernard, c'est pas ça, faut que tu fasses, c'est ça, faut que tu fasses. Parce qu'à ce moment-là, ça nous enlèvera totalement en tant qu'être sur la terre notre liberté. On deviendra des robots. Un homme qui a un contact comme moi j'ai, par exemple, qui peut parler avec son double, sa contrepartie, n'importe quand, à ce moment-là, si j'avais des actes à poser, puis je disais, bon, ben qu'est-ce que je fais, là? Puis il me répondrait toujours que c'est à quoi faire, j'aurais plus de liberté. Mmh. Le phénomène de liberté serait totalement non existant, je serais simplement un être robotisé. Mmh. Donc, faut que je prenne mes décisions moi-même. Mais pour prendre des décisions moi-même intelligentes, faut que j'aie abattu, dans mon expérience, la tête du fanatisme. La tête du fanatisme étant cette conscience très vibrante qui se développe chez soi, là, après un certain nombre d'années. Et cette tête du fanatisme-là ne peut être éliminée, coupée, raturée de ta vie que par un être humain. Elle ne peut pas l'être par toi-même tout seul et elle ne peut pas l'être par les forces occultes en toi. Mm-hmm. C'est pour ça, souvent, je vais dire, tu peux pas être intelligent seul. Oui, parce qu'on associe fanatisme à collectivité. Mais là, dans la façon dont vous le parlez... C'est une forme de fanatisme. On est fanatique parce qu'on appartient à une façon de penser. On est fanatique parce qu'on appartient à une façon d'être, donc qui devient une façon d'agir, donc une façon de penser, et ainsi de suite. Puis un jour, il faut que ça soit cassé, ça. C'est pour ça qu'on a besoin, ou on aura toujours besoin dans notre évolution, d'être, qui est en relation avec nous parce qu'ils nous aiment ou whatever. Ça, ils seront capables de... ou qui auront la force de se mettre en opposition. Mmh. Puis un être qui refuse de se mettre en opposition, un être qui refuse d'être mis en opposition par des hommes, il sera mis en opposition par les forces de vie. Fait que d'une façon ou d'une autre, l'homme conscient, s'il n'est pas mis en opposition par l'homme pour devenir intelligent, il va être mis en opposition par les forces de vie pour être amené à son intelligence. Mais tu ne peux pas en arriver à être intelligent tout seul. Ça, c'est définitif. Oubliez ça. On pensait que d'être individualiste, ça nous mettait à l'abri d'une collectivité. Et donc, conséquemment, du fanatisme. Là, vous ramenez au fait, un fait, en tout cas, qui est intéressant, c'est que même individuel, on peut encore subir les ravages d'une forme subtile de fanatisme. Oui, parce que vous n'avez pas la mesure de la dislocation qui existe entre votre perception, qui est interne, intérieure, et ce qu'elle crée dans le monde. Mmh. Un être qui est fanatique, dans le sens de l'involution, ça le dérange pas ce qu'il crée dans le monde. C'est ça. Il y a une idéologie, puis il s'en va par là. C'est ça. Les autres sont pas corrects, lui est correct. Les autres sont pas corrects, lui est correct. Ouais. Mais quand tu vis ça au niveau de la conscience, cette force intérieure-là qui se développe, c'est pas, t'es pas dans une situation comme le fanatique de l'évolution qui dit, moi je suis correct, eux autres sont pas corrects. C'est plus subtil que ça. C'est que t'es dans l'impression que toi tu sais quelque chose que l'autre sait pas. Mm-hmm. C'est pas l'affaire que t'es correct. C'est que tu sais quelque chose que l'autre sait pas. Tu vois quelque chose que l'autre voit pas. Mm-hmm. T'es dans un plein de conscience que l'autre est pas. Puis c'est là que tu te fais apprendre. Par une forme de fanatisme subtile qui est plus dévastatrice que l'autre forme de fanatisme, parce que l'autre fanatisme de l'évolution, il s'applique à des masses d'individus. C'est communiqué. C'est communiqué. Tandis que celui-là, il peut s'appliquer à ta femme, il peut s'appliquer à ton frère, il peut s'appliquer à des gens très proches de toi, puis il est totalement dominateur, ce fanatisme-là. C'est pas un fanatisme politique, ça. Il est pas exposé, celui-là. Il est pas exposé, ouais, il est réellement interne. Vrai, il est vraiment dangereux. Il est réellement dangereux. Il est viral. Il est viral. Puis, en ce qui me concerne, il n'est plus... En ce qui me concerne, il est plus dangereux que l'autre, parce que lui, il peut détruire. Le fanatisme de l'involution, le fanatisme, disons, des Irish Republican Army, tu dirais que c'est collectif. C'est social. Mais l'autre forme de fanatisme là, qui est très, très personnelle, c'est entre toi et ton frère, entre toi et ta femme, entre toi et tes enfants. Là. Il est réellement très, très virulent. Puis il peut détruire ces êtres-là. Comment qu'on peut le reconnaître? Vous allez le reconnaître en réalisant avec le temps que les gens qui sont autour de vous, qui eux autres aussi sont en voie d'évolution, que les gens qui sont autour de vous ne vous portent plus le même respect à votre intelligence qu'avant. Ils commencent à questionner votre intelligence. Ils commencent à voir les failles dans votre intelligence. Ils sont assez intelligents pour voir que vous n'êtes pas aussi intelligent que vous pensiez. Et à ce moment-là, vous commencez à les perdre. Il y a des brisures des alliances. Il y a des ruptures dans les programmes de vie. Il y a de la désinstallation qui se crée. Bon, mais regardez, Bernard, un individu qui est conscient va dire, bon, ben, il y a une sélection qui est en train de se faire. Ah, OK. Ça fait encore partie du fanatisme. Parce que quand vous dites qu'il y a une sélection qui est en train de faire, je suis d'accord. Mm-hmm. Puis qu'il y a une sélection qui se fasse, je suis d'accord. Mm-hmm. La sélection est nécessaire parce que ça fait partie de la déspiritualisation de l'homme. Je suis d'accord. Mm-hmm. Mais demeure le fait que l'homme a l'entière responsabilité quand il est conscient. L'entière responsabilité de respecter l'autre. La seule vertu de l'être, quand tu es conscient, c'est sa capacité de respecter l'autre. Un homme qui respecte l'homme dans le sens intégral du terme a toutes les vertus de la chrétienté. Attendez ça. Un homme qui respecte l'homme. Il a toutes les vertus de la chrétienté. Il a toutes les vertus de la chrétienté, il a toutes les vertus du bouddhisme, il a toutes les vertus du shintoïsme, il a toutes les vertus. Un homme qui respecte l'homme. Pourquoi? Parce que le respect de l'homme, dans le sens intégral du terme, c'est la définition mentale de l'amour. Mm-hmm. Puis, alors que nous, les hommes de l'évolution, on peut très, très facilement aimer l'homme astralement parce que ça nous rapporte. Mm-hmm. C'est facile d'aimer quelqu'un parce que ça te rapporte. Mm-hmm. Alors qu'un être qui est conscient, qui ne vit pas l'amour par rapport à l'homme de la même façon, cet amour-là va être transmuté ou fixé dans une forme que j'appelle le respect mental. Puis ça a toutes les vertus des religions. Sans être émotivement relié aux religions. Mmh. Puis qu'est-ce que vous faites de l'individualité de l'être conscient qui l'amène à toujours vouloir s'isoler? Ben, on dirait qu'il y a une sorte de recherche. Okay. Sais-tu pourquoi est-ce que les excusez si je dis sais-tu si je vous tutoie? Mais savez-vous pourquoi est-ce que l'être conscient recherche l'isolation? Parce que l'être conscient en arrive à réaliser un jour qu'il est toujours déçu par les hommes. Mais un être conscient n'est pas intéressé à vivre l'isolation. Il est intéressé à vivre une alliance. Il est intéressé à vivre un échange. Il est intéressé à vivre une ascension au niveau de la programmation des êtres qui sont ensemble. Mais ce qui se passe à cause des conditions humaines, à cause des conditions évolutives, à cause des changements nécessaires chez chaque être humain, c'est que ce qui se passe, c'est toujours un certain degré de déception, puis déception, puis déception. Fait que quand tu arrives à un certain niveau de conscience où tu es réellement en puissance vibratoire, tu es plus intéressé à vivre la déception, fait qu'à ce moment-là, tu cherches à t'isoler. Tu cherches pas à t'isoler parce que tu veux pas être en relation avec l'homme. Tu cherches à t'isoler parce que tu es tout obligé de t'isoler parce que les hommes n'ont plus suffisamment de sensibilité ou de conscience pour pouvoir pour pouvoir entrer dans ton territoire psychique sans créer de waves. Donc, tu t'isoles. Bon, là, j'ai... Ou tu deviens sélectif dans ton isolation. Bon, mais là, vous dites tout à l'heure qu'être sélectif, c'est une forme subtile de fanatisme. Quand t'es conscient, t'es obligé... Ah, oh, c'est pas pareil. Ben. C'est pas pareil. C'est pas ça que vous avez dit tout à l'heure. Tout à l'heure, vous avez dit, une personne peut dire à des gens, si ça fait pas ton affaire. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Comment est-ce que vous avez dit ça? J'ai dit, une personne qui est dans une perception d'elle-même peut voir que s'il y a des gens qui prennent distance d'elle, elle peut dire, il y a une sélection qui se fait. OK. Il y a une différence entre des gens qui prennent distance d'elle et elle qui prennent distance des gens. Ouais, OK. Fait que quand il y a des gens qui prennent distance de vous, puis que vous dites, ah ben, c'est correct, c'est de la sélection, ça fait partie de l'épuration du stock, à ce moment-là, ça fait partie du fanatisme. OK. Mais quand vous prenez distance de l'homme, ça fait partie de votre intelligence de le faire. C'est plus du fanatisme, ça. Parce que vous donnez pas une valeur sur le dos des autres. Okay. Tandis que si vous dites, ah, ben, toi, là, t'es pas assez conscient, là, tu te sélectionnes, tu t'en vas, là, tu t'éloignes de moi, là, comment est-ce que vous avez dit ça? Ben, c'est ça, là. OK. Vous êtes dedans. Bon, ben, ça, c'est bon, ça clean les terres. Dans le fond, vous donnez une valeur, vous donnez de la supériorité. Mais si on est déçu de quelqu'un, c'est parce qu'il ne cadre pas avec ce qu'on veut qu'il soit pour nous autres? C'est pas qu'on veut, si on vit de la déception par rapport à l'homme, c'est parce que l'homme n'est pas suffisamment évolué au niveau psychique pour être sur le même plan mental que nous. À ce moment-là, on est obligé de prendre une distance pour avoir la paix. On est obligé de prendre une distance pour pas être pollué par sa vibration. Ça fait partie de l'intelligence consciente de l'homme qui est dans son identité. C'est normal de le faire. Un être qui le fera pas, automatiquement, éventuellement, il en arrivera à s'épuiser à un point tel qu'il se rendra malade. OK. Si je comprends bien, il y a une déception qui est liée à des phénomènes d'évaluation de soi, où l'autre ne nous reconnaît pas une valeur de nous-mêmes. Ça, c'est une déception qui est pas valable. Puis il y a une déception qui vient du fait qu'on se fait polluer notre système de vie et que notre vitalité est mise complètement à bas à cause du manque de respect de l'environnement. C'est ça. C'est comme s'il y a une déception qui est intelligente, si on peut dire, puis une déception qui est pas valide. C'est ça, exactement. OK. Quand on parle à ce moment-là de fanatisme dans les registres que vous avez dit, là, on est souvent déçu des autres. Est-ce qu'il y a un moyen des autres de nous communiquer une information pour aller ébranler notre tour d'ivoire intérieur? Il y a quelque chose dans l'être là, qui fait que tout ce que l'autre ou les autres lui disent le déçoivent parce que ça rencontre pas ce que lui a comme perception lui-même. Oui, oui. Y a-t-il quelque chose pour ébranler ça, cette affaire-là? Un être, on va le regarder sur deux plans. Un être qui est conscient. Parce qu'il faut expliquer le principe pour comprendre toute la gestion de cette énergie-là. Un être qui est conscient a une parfaite compréhension de lui-même. Ayant une parfaite compréhension de lui-même, il est totalement en équilibre dans son territoire. Okay. Il est réellement en équilibre dans son territoire. Si quelqu'un vient dans son territoire et dérange le territoire, il est capable de sentir. Il sait pourquoi. Il est capable de dire à l'autre personne, bon, mais reste en dehors de mon territoire parce que tu troubles mon territoire. Il a suffisamment d'identité pour réellement comprendre son territoire. Dans l'autre cas, faut que vous me rafraîchissiez la mémoire, là, parce que c'est quoi l'autre cas? Je suis peut-être le même problème que vous. OK. Je parle de quoi, là? Je parle de quoi? Y a-tu quelqu'un qui est capable de me rafraîchir la mémoire? C'est que, je peux revenir à la question de base. J'ai dit, comment qu'on peut ébranler la tour d'ivoire d'un individu qui a une réflexion de lui-même, mais qui est assez conscient de ce qu'il est, pour se couper finalement des gens qui, dans son environnement, répondent pas à ses critères, à lui, là. Là, vous avez dit, un être conscient, c'est quelqu'un qui se connaît parfaitement, puis qui a une bonne gestion de ses énergies. C'était rendu là. Puis que l'autre, lui, probablement, là, je peux m'avancer à dire que le deuxième, lui, il peut-être qu'il se connaît, mais il se connaît peut-être pas par rapport aux autres. Mais là, je l'ajoute, là. Bon, c'est une affaire de connaissance de soi. Ouais. Un être qui a une connaissance de lui-même, une grande connaissance de soi, est capable de faire la gestion parfaite de son territoire. C'est ça. Puis pas seulement la gestion parfaite de son territoire, il est capable de rentrer dans le territoire de l'autre puis ne pas déranger. Alors que l'autre n'est pas capable de faire la même chose. Il n'est pas capable de rentrer dans le territoire de l'être conscient sans le déranger. Il dérange tout le temps. Okay. Et à ce moment-là, l'être conscient va être obligé de faire la police de son territoire. Okay. Il va être obligé de faire la police de son énergie. Et sans ça, il va se faire mettre à terre. Mm-hmm. Fait qu'il est obligé d'être extrêmement sélectif dans sa vie. Puis c'est pour ça qu'éventuellement, l'être conscient sera obligé de se retirer. Mm-hmm. Quand je dis se retirer, je dis... développer des relations avec des êtres qui ont atteint un certain niveau de sensibilité. Mm-hmm. Ces êtres-là n'ont pas besoin d'être comme lui, ils peuvent pas être comme lui, mm-hmm. mais qui ont développé un certain niveau de sensibilité qui leur permet de rentrer dans son territoire sans déranger. OK. Mais je reviens à la question, Bernard. Oui. La personne, elle, qui est fanatique d'elle-même, là, tu sais, qui est plus dans un niveau d'individualisation, mais où il y a cette racine de fanatisme que vous avez parlé. Comment qu'on peut aller fracturer sa tour d'ivoire? Comment quelqu'un de l'extérieur peut lui faire voir qu'il est pris en quelque part? Là? Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que cette personne-là, éventuellement, va rencontrer des gens qui vont... Parce que l'homme autour de lui devient de plus en plus intelligent. Et l'homme va pouvoir éventuellement voir les failles dans son intelligence. Mais comment qu'on peut y dire? Il ne fait que s'écouter. Ça dépend des individus. Il y a des individus qui sont pas capables de mettre des êtres en échec. Puis il y a des individus qui sont plus capables de le faire. S'il y a pas d'individus capables de le faire, c'est la vie qui va le faire. Ah, c'est la vie. Ouais. Si c'est pas des individus qui vont le faire, ça va être la vie qui va le faire. OK. Okay. Si vous aviez un problème de fanatisme à ce niveau-là, ouais. que des individus seraient pas capables de vous parler parce que vous êtes Daniel Ménard, puis les gens auraient peur de vous, ça serait la vie qui vous causerait ça. Mm-hmm. Faut que ça soit fait à un niveau ou à un autre. Okay. Fait que c'est préférable pour vous que des individus le fassent. Ben ouais. Que le cas contraire. Je vous donne prendre mm-hmm. comme exemple. Bon, mais faut que ça soit fait d'un bord ou de l'autre. Et ça sera fait d'un bord ou de l'autre. Parce qu'éventuellement, cette sorte de fanatisme-là, qui est très différent du fanatisme de l'involution, c'est un fanatisme occulte. Ah, ça, c'est intéressant. Le fanatisme de l'involution n'est pas occulte. Il est psychologique. Il est psychologique. Tandis que ça, c'est un fanatisme occulte. Puis un fanatisme occulte, éventuellement, ça devient suffisamment puissant pour totalement magnétiser l'homme. Autour de lui. Là. Autour de lui. Okay. Fait qu'un jour, l'homme qui grandit, qui doit pas être magnétisé, c'est une loi fondamentale de l'évolution. Éventuellement, l'homme faut qu'il soit libre. Donc, éventuellement, l'homme va voir à travers le fanatisme de ces êtres-là et automatiquement va se mettre en opposition. Si, pour une raison ou une autre, il se met pas en opposition au niveau de la parole, il va se mettre en opposition au niveau d'un retrait social. Mm-hmm. Quelle ouverture d'esprit qu'il faut pour éviter de tomber dans ce fanatisme-là? Ou est-ce qu'il faut absolument passer dans ce fanatisme-là parce que ce serait comme les dernières phases d'une initiation avant de tomber vraiment dans une fusion ou une intégration? Il n'y a pas de réponse à cette question-là. Je vais vous dire pourquoi. Il n'y a pas de réponse à cette question-là parce que tous les hommes qui sont en voie d'évolution ont tous un rôle à jouer inconscient par rapport à d'autres hommes. Mm-hmm. Fait que tous les hommes sont nécessaires les uns aux autres. Les gens qu'on rencontre dans la vie sont nécessaires pour notre propre évolution. Fait qu'on peut pas dire, on peut pas mettre le doigt sur un homme ou sur une femme. Parce que chacun joue un rôle. Mm-hmm. Mais un jour, ce rôle-là cesse. Et c'est à ce moment-là qu'on voit quel rôle telle personne avait à jouer, puis quel rôle telle personne avait à jouer. Okay. Mais la fondamentale de cet exercice-là demeure la même. Mm-hmm. L'homme doit transmuter ses égrégores. Mm-hmm. Alors, dans ce sens-là, est-ce qu'on pourrait dire que, indépendamment des liens, même familiaux, affectifs qu'on a avec les gens, on est tous temporaires un par rapport à l'autre? On est tous un passage dans la vie de quelqu'un. Oui, on est tous un passage dans la vie de quelqu'un, mais il ne faut pas qu'on se fasse passer sur le corps indéfiniment. Dans la vie. Oh. On est ça a l'air simpliste, là, ce que vous dites là. Mais il y a beaucoup de réalité là-dedans. On est tous en passage, un par rapport à l'autre, mais on ne peut pas se faire passer sur le corps indéfiniment. Ma mère est en passage dans ma vie, mais il ne faut pas qu'elle me passe sur le corps indéfiniment. Faut qu'un jour j'ajuste ça. Sinon, si j'ajuste pas ça avec son tempérament, elle va me passer sur le corps. Fait que ça fait partie de l'évolution de l'homme. Puis le problème de l'homme, d'ailleurs, sur la Terre, c'est qu'il se fait passer sur le corps. On se fait passer sur le corps politique, on se fait passer sur le corps spirituel, on se fait passer sur le corps religieux, on se fait passer sur le corps psychologique. On s'est toujours fait passer sur le corps. On s'est toujours fait bulldozer. Puis quand on devient conscient, éventuellement, on n'est plus capable parce qu'on a la gestion de son territoire. C'est comme des idées. C'est pour ça que des initiés qui sont suffisamment intégrés comme moi-même, par exemple, c'est pas parce qu'on n'est pas fin, c'est pas parce qu'on n'est pas gentil, c'est pas parce qu'on n'aime pas l'homme, puis c'est pas parce qu'on n'a pas le respect de l'homme qu'on agit de telle façon, mais c'est parce qu'on fait la gestion de notre territoire. Et l'homme, éventuellement, va en arriver à faire la gestion de son territoire. Et plus tu fais la gestion de ton territoire, plus tu es obligé de plus subir de passage sur ton corps. C'est ça de la conscience. C'est sa manifestation la plus évidente. C'est sa manifestation la plus évidente. Tu sais, la grande question que Schopenhauer avait de son disciple au début du siècle, le type qui vient voir Schopenhauer, puis dit, maître, il dit, est-ce que l'objection de conscience de ne pas rentrer dans l'armée, de faire la guerre, c'est valable? Je pense que c'était Schopenhauer. Probablement, c'était peut-être lui ou même Kierkegaard qui on avait posé cette question-là. Je suis pas sûr, un des deux. Puis, il y a bien des dilemmes, il y a bien des questions comme ça. Puis là, on revient à 1920, tu sais. C'est plus comme aujourd'hui, il y a plus qu'on se pose plus la question aujourd'hui, là. On devrait-tu être patriote, pas patriote? Dans ce temps-là, c'était des grosses questions. Puis, toute l'évolution de l'humanité, partir de l'évolution vers l'évolution, tout ce développement-là de l'homme, ça va être basé sur cette capacité-là de pas se faire passer sur le corps. Prends-la ta décision. Tu veux-tu aller à la guerre pour le Kaiser ou tu veux pas y aller à la guerre pour le Kaiser? Puis il y a des conséquences. Il y a des façons d'agir. Sors du pays. Va-t'en ailleurs. Supporte l'isolation de ton peuple. Prends-la des décisions. Fais comme Gurdjieff. Va-t'en dans le Caucase. Alors, si tu veux pas te faire passer sur le corps, à n'importe quel niveau dans la vie, il va falloir un jour que l'homme, en tant qu'individu, soit capable de prendre sur lui-même la responsabilité de son rôle. Et ça va être quoi la responsabilité de son rôle? Ça va être de fracasser l'opposition à sa conscience individualisée. Bon, fracasser l'opposition à sa conscience individualisée, ça va être sa capacité à lui de penser par rapport à lui-même, de façon intégrale, sans aucune condition. Donc, plus l'homme va penser sans aucune condition, plus on parlera ou on indiquera de cet homme-là qu'il est un initié. Parce qu'un initié, dans le sens très poussé du terme, ne pense pas par rapport à la mémoire de la race. C'est ça qui fait de lui un initié. Pourquoi est-ce qu'un initié amène sur une planète des connaissances neuves, non révélées, non écrites? Parce que il ne pense pas par rapport à la mémoire de la race. Donc, l'homme nouveau, qui sera un initié à son niveau, sera obligé de fonctionner de la même façon. C'est un paramètre universel. Ça rencontre la moroncialité de la conscience, ça défait la programmation de l'âme, ça institue sur la Terre une nouvelle façon de s'instruire et automatiquement ça mène plus tard dans le temps à des nouvelles sciences qui concordera parfaitement à l'épuisement des forces animiques, qui concordera parfaitement au développement des forces de l'esprit et qui permettra éventuellement la substantiation de la matière, c'est-à-dire la matérialisation des hommes, des immortels sur le plan matériel. Donc, qui ouvrira des nouveaux corridors éthériques ou qui permettra à l'homme de passer et de voyager dans le temps et de s'instruire de certaines énergies qui lui permettront, dans le temps, de créer des univers parallèles, de former des nouvelles civilisations. de se développer, de se déplacer dans le temps avec des vaisseaux qui appartiendront à des technologies parallèles, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. On peut pas se permettre aujourd'hui, à la fin du 20e siècle, de concevoir l'évolution future de l'humanité sur le plan matériel, scientifique, technique, philosophique, spirituel ou occulte, comme on le perçoit aujourd'hui. L'homme est en voie d'évolution. V'là 100 ans, on se serait jamais imaginé qu'on aurait Bill Gates qui développerait le Microsoft en 1974. Mm-hmm. Puis ça, ça fait 100 ans. Fait qu'imagine-toi dans 200 ans, 300 ans, au rythme très accéléré où les choses vont aujourd'hui, qu'il va se passer des choses énormes sur la Terre, mm-hmm. des choses très intéressantes sur la Terre. Même le phénomène atomique sur la Terre, au niveau de la fission de l'atome, au niveau de la radioactivité, crée des agrégats de chaleur qui sont en train présentement de totalement changer le magnétisme planétaire et d'affecter le magnétisme humain. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de cancers. Mm-hmm. Donc, l'homme va dépasser ces conditions-là parce que l'homme a une capacité d'ajouter à ses couches de j'appelle ça des dermatozones, des zones d'énergie qui sont remplies de forces vitales et qui maintiennent en équilibre tout son corps matériel et qui lui donnent de la plasticité puis qui vont permettre à l'homme de passer à travers toutes sortes de pollutions pour en arriver finalement un jour à pouvoir réellement reprendre le contrôle de sa Terre et ainsi de suite, de sa planète. Alors, il n'y a pas de fin à ça, au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau physique, au niveau vital. Mais ce qui se passe aujourd'hui pour l'homme conscient, pour l'évolution de la conscience, c'est très, très radical, c'est une grande révolution, puis on n'a même pas conscience de cette révolution-là. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas suffisamment conscience de soi-même. La plus grande révolution qu'on peut s'attendre, là, mettons, sur une échelle de 50 ans, elle va-tu venir de la science ou de la psychologie? Elle va venir de la science, parce que la psychologie, la révolution au niveau de la psychologie, ça va être la dernière. Ça va être la... Dans 500 ans, 1000 ans? Ça va être graduel. C'est long. C'est long parce que ça doit toucher à l'évolution des peuples, ça doit toucher à l'évolution des races, transformer la façon de penser sur la Terre. Donc, ça va commencer lentement, puis éventuellement, ça va se connecter à la science, puis ça va amener finalement à l'évolution de la conscience, l'évolution d'une conscience supérieure. Bon, est-ce qu'au stade actuel de la condition humaine, c'est la science qui remorque la psychologie? Au stade actuel de la conscience humaine, la science est importante parce qu'elle définit pour l'humanité les cadres d'évolution possibles en fonction d'une psychologie en potentiel. La science et la psychologie de l'homme sont reliées. Si vous regardez l'évolution de la technique, vous voyez que l'évolution de la technique, ça permet à l'homme au niveau psychologique de s'adapter plus froidement à des données. Les computers, c'est un exemple. C'est ça. Mmh. Aujourd'hui, on est rendu qu'on commence à travailler avec virtual reality, tout ça. Alors, la science et la psychologie vont se rencontrer, vont devenir très près l'un de l'autre. Seulement, ce qui va se produire, à cause de l'inconscience de l'homme, ça va créer une grande psychose. Mmh. Les gens qui vont s'aventurer dans la virtual reality, ainsi de suite, les gens qui vont s'aventurer dans une technique électronique très, très rapide et qui n'auront pas le rythme, vont développer de la psychose. Le plus grand problème de l'homme moderne, c'est pas tellement la pollution qui existe sur la Terre. D'ailleurs, la pollution qui existe sur la Terre est purement mécanique. Mm-hmm. Le problème de l'homme moderne, c'est son rythme. L'homme n'a pas le rythme pour aller avec ce qui se crée sur la Terre, oui, et c'est ça de la pollution. Oui. C'est la pollution mentale. La pollution, dans le fond, ça n'existe pas de la pollution. La seule raison pour laquelle ça existe, parce qu'on n'a pas le rythme. Pas capable de suivre. On n'est pas capable de suivre ce qui est mis ce qui est présenté. C'est ça, la pollution. La pollution, c'est l'absence de raccord entre notre rythme et l'environnement. Mmh. C'est ça, la pollution. On prend Internet, là. Tout le monde en fait l'apothéose, là, mais c'est pas tout le monde qui peut se connecter à toute cette information-là. C'est ça. Puis il est là le danger. Mmh. Pour moi, le danger de l'homme moderne, là, c'est le rythme. Puis son rythme psychologique qui suit pas le rythme technique. Fait que le rythme technique, lui, la technique crée. L'homme est bombardé extraordinairement, puis il suit pas. Fait Fait que tous les sous-produits de la technologie aujourd'hui est en train de créer une psychose, un déphasage du rythme humain à un tel point que l'homme, finalement, est plus capable de s'assurer, au niveau de sa psychologie personnelle, d'une valeur personnelle. Plus la technologie produit, moins lui il y a de valeur. Moyen d'absolu, donc c'est grave. Tandis qu'un homme qui est conscient, qui est capable de dealer avec son rythme, puis qui regarde ce qui se passe dans le monde, au niveau de toutes ces technologies-là, trouve ça merveilleux. C'est intéressant. Parce qu'il y a un rythme qui est capable de traiter avec le matériel. Moi, je suis fasciné par les computers. Vous avez vu l'expérience qu'on a eue ensemble au niveau des computers. On n'a pas le même rythme au niveau des computers. Puis vous m'apportez de l'information au niveau des computers, puis c'est intéressant, puis je vous dis, ah là, pas de suite, dans 2 mois, ou dans 3 mois, ou dans 1 an, j'ai mon rythme. Vous faites la gestion. Sans ça, si je me mettais sous votre rythme, j'ai plus les facultés que vous avez, donc si je me mettais sous votre rythme, ça serait pas bon, je me rendrais malade, fait que j'ai mon rythme. Fait que vous m'arrivez à quelle affaire aujourd'hui, vous dites, mais dans 1 an, je vais regarder ça, puis dans 1 an, je suis rendu là, Fait que là, ça m'intéresse, les computers. Sans ça, ça me fatiguerait, ça m'énerverait. Donc, c'est la même chose. Pour n'importe quoi, les autos, les films, le cinéma, les gens n'ont pas de rythme. Il y a un rythme, il y a toutes sortes de choses qui se produisent dans le cinéma. Toutes sortes de films. Les gens disent, ah ben moi, je permets pas que mes enfants regardent ça parce que ça, c'est pas bon. Ou je permets pas que mes enfants regardent ça parce que ça, c'est trop violent. Alors que moi, ma fille, je vais dire, bon ben, même ensemble, en famille, on regarde n'importe quoi. Parce qu'on fait de l'étude. On fait des études, étant conscient de notre rythme, on n'est pas déphasé par le rythme de ce qui se passe. C'est évident que ça m'intéresse pas de regarder des films pornographiques, là. C'est pas à ma mesure. J'ai pas besoin de cette impression-là. Mais je serais capable de regarder des films pornographiques puis faire encore des études. Ce qui est rendu l'humanité. Pourquoi est-ce que l'humanité s'intéresse dans la pornographie? Ça donne quoi la pornographie à l'homme? Fait que ça demeurera encore de l'étude. Fait que ça déphasera pas mon rythme. Mais si je dis, ah, ben, ma fille, elle peut pas regarder ça, ma femme peut pas regarder ça, moi, je peux pas regarder ça. Là, c'est parce que mon rythme n'est pas suffisamment développé sous mon contrôle pour s'ajuster au rythme de l'humanité. Puis ça, c'est important, ce principe-là, pour vous autres. Parce que quand vous comprendrez ce principe-là, vous allez réaliser une chose. Quand tu pars de l'inconscient, quand tu es inconscient, ton rythme est ajusté à ce rythme-là. Quand tu es inconscient, là, aller à la chasse, tirer les orignales, ou la pornographie, whatever, tout ce qu'on fait dans l'inconscient, ça ne dérange pas. Quand tu deviens conscient, ton rythme change. Là, ça t'intéresse plus d'aller à la chasse, ça t'intéresse plus d'aller au hockey, ça t'intéresse, il n'y a plus rien de t'intéresse. Puis là, sais-tu que c'est qui se produit? Ta vie, elle commence à être plate. Avant, la vie, au moins, t'as le fun. T'étais inconsciente, t'étais le fun. T'allais au hockey, tu voyais Maurice Richard, t'es content, ça a fait ta soirée. Aujourd'hui, tu deviens trop conscient, t'es plus intéressé à voir Maurice Richard. T'es plus intéressé aux extraterrestres, t'as tout ton référent changé. Fait que là, la vie, elle commence à être plate. Puis t'en trouves pas d'extraterrestres, fait que t'es encore plus plate, t'sais. Ça fait que, éventuellement, l'homme va être obligé d'ajuster, de réellement rentrer dans son rythme pour pouvoir revenir à la vie, mais sous son contrôle. Ça fait qu'il sera capable d'aller voir un film, il sera capable d'aller au hockey, puis évidemment, il va pas aller tirer un animal, mais peut-être qu'il va aller faire un safari photographique. Ça fait que l'homme va retrouver le plaisir à la vie, mais à un autre niveau. Ça, c'est en fonction de son rythme, puis probablement qu'il faudra en parler de ça, parce que toute la dynamique du rythme humain, quand tu es conscient, est fondamentale à la restructuration psychologique de son moi par rapport à des données nouvelles. Donc, l'homme nouveau, demain, va être obligé, va automatiquement voir la vie d'une façon différente, parce que il y a un nouveau mental, mais il va être obligé aussi d'ajuster son rythme de vie par rapport à ce qui se passe dans le monde. Sans ça, la vie va être plate. C'est comme si l'être conscient ne traite pas avec les impressions de la même façon. L'être conscient ne traite pas avec les impressions de la même façon, puis il devrait traiter avec les impressions d'une façon créative, nouvelle. Moi, je suis allé à Rome, là, je suis allé revoir les musées que j'ai vues il y a plusieurs années, puis avec ma fille, puis c'était intéressant. Je voyais pas ça comme quand j'ai vu ça en 1964, quand j'étais à l'université. Je l'ai vu d'une façon différente. J'étais capable de voir les sculptures de Michel-Ange, aller par en dedans, puis dire, mais parle-moi donc de ça. Puis j'avais de la conversation qui me parlait de Michel-Ange. Il y avait des anecdotes intéressantes concernant Michel-Ange. Il y avait le fait intéressant que, par exemple, François Ier préférait Michelozzo comme peintre à Michel-Ange, parce qu'il disait à Michel-Ange, il souffre trop. Que François Ier préfère Michelozzo à Michel-Ange, qui était le grand génie reconnu, aujourd'hui en tout cas, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il souffrait trop. Fait que Michel-Ange n'était peut-être pas un cadeau. Il était tellement plugué, ce gars-là. Il était tellement plugué. Pour faire les œuvres qu'il a faites, il faut réellement être dans une grosse vibration, que probablement, socialement, humainement, il était pas un cadeau. Il était trop souffrant, puis ça le fatiguait, François Ier. C'est intéressant, ce côté-là de Michel-Ange. Fait que mon expérience à Rome a été différente. Tu vois des choses, mais comme avant, mais à un autre niveau. Fait que c'est bien important, le rythme. Que le phénomène de conscience que l'être vit, ça l'amène à goûter plus de la vie? Est-ce qu'on peut dire que votre conscience, ça vous fait goûter plus? Tu goûtes plus de la vie quand tu as éliminé toutes les oppositions. Tant que le problème avec la conscience, c'est que tant que tu n'as pas éliminé toutes les oppositions, tu es en travail. C'est pour ça que la conscience, dans un sens, ça me fait rire quand je regarde l'homme, puis l'homme, des gens qui vont dire, ah, ben moi, j'ai hâte d'être conscient, je vais être conscient. Quand est-ce que je vais être conscient? Ça va arriver telle date pour être conscient. Puis je voudrais leur dire, là, veux-tu oublier ça de la conscience? Parce que la conscience, c'est de la souffrance. Même si c'est de la petite souffrance, c'est de la souffrance. Mais on souffre pas plus quand on n'est pas conscient? Quand on n'est pas conscient, on souffre pas pareil. Moi, je me rappelle de mon inconscient avant 69. Comment est-ce que j'étais quand j'étais à l'université? Mais c'était une souffrance psychologique, c'était pas une souffrance psychique. T'as pas les forces dans le cul en arrière de toi, là, tu sais. C'est toi. Tu es dans l'illusion de ton libre arbitre. Tu penses que c'est toi qui est pas intelligent ou tu penses que c'est toi qui es intelligent. Ça revient tout à toi. Tandis que quand tu es conscient, tu as toujours la conscience des forces. Tu peux même parler avec eux autres. Fait que là, c'est plus pareil, là. Tu vois plus ta vie personnelle, ta conscience personnelle, ton action, ton développement de la même façon. Mais ça souffre moins. Non, ça souffre plus intensément parce qu'il y a une volonté supérieure derrière ton ego. Il y a quelque chose qui domine parce que tu le domines pas encore. Être conscient, avoir intégré sa conscience, c'est avoir dominé cette volonté-là. C'est quoi le but final de la conscience, le but final de la fusion? C'est dominer l'occulte. Mais avant que l'homme domine l'occulte, il faut qu'il ait neutralisé en lui la spiritualité par rapport à l'occulte. Donc, neutraliser la spiritualité par rapport à l'occulte, ça veut dire faire un virage à droite, à 90 degrés, par rapport à ce que tu penses que c'est l'occulte. Ça, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pour ça que l'instruction est si fondamentale. Pourquoi? Parce que l'instruction, c'est un virage à 90 degrés par rapport à l'occulte. C'est un pied de nez à l'occulte, l'instruction. Les gens qui vont dire, ah ben l'instruction de la conscience supramentale sur la Terre, c'est très occulte. C'est occulte parce que ça fait partie de la grande souffrance de l'initié. Mais dans le fond, c'est un pied de nez à l'occulte. La plus grande joie que j'ai sur la Terre aujourd'hui, puis qui va durer avec moi jusqu'à temps que je change de plan, c'est d'avoir détruit l'occulte dans la conscience de l'homme. Autrement dit, d'avoir commencé ce mouvement-là pour que d'autres hommes plus tard fassent la même chose, pour qu'un jour on devienne finalement libre de l'occulte. Pourquoi? Parce qu'on aura maîtrisé nos sentiments d'âme par rapport à ça. Des sentiments qui font partie de la mémoire de la race, des sentiments qui font partie de notre amour spirituel, des sentiments qui font partie de la du symbole qui nous fait vibrer. Faut que l'homme le tue, ça. Fait que dans un sens, il va falloir que l'homme conscient demain devienne nietzschéen. On peut vraiment dire, vous, vous avez détruit la sympathie pour l'occulte. Ah, effectivement, j'ai détruit la sympathie pour l'occulte. Pourquoi? Parce que j'ai, à cause de la fusion, dans un sens, j'ai eu la chance d'avoir toutes les souffrances possibles et imaginables. Donc, ça m'a donné un outil puissant. Donc, ça permet d'ouvrir une porte pour que d'autres passent. C'est la fonction d'un initié. Mais d'un autre côté, il faut que l'homme s'éveille suffisamment rapidement à lui-même pour mettre un terme à sa souffrance, retrouver son rythme, puis reprendre la joie de vivre. Mais pas comme avant, mais différent d'avant.